Bonjour, madame. Dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, j'ai souvent mal à la tête, je dors très mal, je fais des rêves bizarres, je fais souvent des cauchemars. Vous êtes stressée? Vous avez des soucis en ce moment? Non, pas vraiment. Enfin, un peu, je suis en train de divorcer, j'ai quelques soucis au bureau. Oui, je comprends. Cela fait beaucoup. Vous avez des insomnies et vous êtes un peu déprimé. Eh bien, oui, je crois. Je vois les choses en noir. Venez, je vais vous ausculter. Oui, votre tension est basse. Je vais vous donner un petit remontant. Voilà l'ordonnance.